Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. On ne les voit pas et pourtant ils représentent 95% de la biodiversité et 55% de la biomasse terrestre. Ce sont les microbes. Leur découverte et surtout la compréhension au 19e siècle de leur implication dans de nombreuses maladies a bouleversé l'histoire de la médecine et de la santé publique au point qu'on ait voulu les éradiquer. Pourtant, on le sait avec vigueur depuis quelques décennies, ces micro-organismes sont essentiels à la vie sur Terre. De quoi nous donner l'envie de nous équiper aujourd'hui de notre microscope et de partir à la découverte des microbes. Microbes, la vie minuscule, c'est le programme Germinal qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour parler de cette découverte, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Pascal Cossard. Bonjour. Vous êtes microbiologiste, professeur à l'Institut Pasteur, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et co-autrice du livre « Le monde invisible du vivant » paru aux éditions Odile Jacob. Et nous sommes également en studio avec Philippe Sansonetti. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes microbiologiste, professeur émérite au Collège de France et à l'Institut Pasteur, membre de l'Académie des sciences, et on peut lire votre leçon de clôture au Collège de France intitulée « Tu aimeras les microbes comme toi-même » et c'est paru aux éditions du Collège de France. Alors, sans plus attendre, je vous propose de nous lancer dans notre sujet, cette découverte des microbes. Mais pour démarrer cette émission, Pascal Cossard, j'aimerais qu'on réalise ensemble un petit travail de définition qui est nécessaire. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on regroupe sous ce terme microbe et d'où vient ce terme ? Alors, le terme microbe, c'est un terme qui est un tout petit peu à connotation négative parce qu'il a été inventé par Cédillo au moment où Pasteur était en train de découvrir que des maladies étaient dues à des microbes, à des micro-organismes, à ce qu'il appelait des animalcules, à des bactéridies, à des vibrios. Bref, il n'avait pas vraiment donné un nom à ce qui était la cause d'une maladie, mais il avait vraiment compris que c'était dû à des organismes extrêmement petits qu'il pouvait éventuellement voir avec un microscope. Donc le mot microbe, dans la population française, dans la société, c'est un mot qui a cette connotation négative. Alors que quand on parle de micro-organismes, il n'y a pas cette connotation négative. Alors qu'est-ce qu'on entend par micro-organisme ? Eh bien, on entend par micro-organisme un organisme qui est très petit, c'est-à-dire un organisme vivant qui est très petit. Et dans le monde du vivant, il y a trois catégories d'organismes. Il y a les bactéries, qui sont des organismes unicellulaires. Les bactéries sont composées d'une seule cellule. Il y a les archées, qui sont aussi des composants unicellulaires, donc qui sont comme les bactéries, ce qu'on appelle des prokaryotes. Et on les appelle prokaryotes parce qu'elles n'ont pas de noyau. Donc les bactéries n'ont pas de noyau, elles sont unicellulaires. Les archées n'ont pas de noyau, elles sont unicellulaires. Et puis on a la grande catégorie des eucaryotes, qui sont des organismes qui ont un noyau. Mais dans cette grande catégorie, il y a des organismes monocellulaires, on les appelle des protistes, et puis il y a des organismes pluricellulaires, multicellulaires. Alors bien sûr, dans les multicellulaires, il y a les hommes, les animaux, les plantes, etc. Et dans les monocellulaires, il y a donc ces protistes qui sont très variés, puisqu'il va y avoir par exemple des protozoaires, comme un protozoaire que vous connaissez bien, le plasmodium, qui donne la malaria, et puis tous ces micro-organismes qu'on a découverts très récemment, par exemple dans la mer. Donc, je résume, on a parlé de bactéries, on a parlé d'archées, on a parlé de protistes, y compris des protozoaires, et on n'a pas parlé de virus. Je considère que le mot virus qualifie un organisme qui n'est pas stricto sensu, un organisme vivant. Un virus, c'est un organisme, c'est un agent pathogène qui peut infecter les bactéries, les archées ou les protistes ou les organismes multicellulaires. Et il infecte toujours une cellule et c'est dans la cellule où il sera rentré, ou en tout cas où son patrimoine génétique sera rentré, qu'il va y avoir multiplication de cet agent infectieux. Donc, le virus ne fait pas partie du monde du vivant en tant qu'organisme capable de fabriquer ses propres protéines, capable de se nourrir, de grandir, de grossir, etc. Et le virus est capable donc d'infecter les bactéries, les archées, etc. Donc, voilà ce que je considère être le monde invisible du vivant, c'est-à-dire ce monde qui est fait de petits organismes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Voilà pour cette nécessaire mise en bouche et cette nécessaire description et définition de ces micro-organismes. Philippe Sansonetti, à partir de quand on a pu les observer, ces micro-organismes? Et est-ce que même on soupçonnait leur existence avant leur première observation au XVIIe siècle? Bon, il y a toujours des premières observations à droite ou à gauche. C'est très très difficile d'en faire le bilan, mais enfin on considère généralement, pour simplifier les choses, que c'est quand même Anthony von Leeuwenhoek à Delft en Hollande qui a été véritablement le premier à découvrir les microbes, tels que définis par Pascal. Grâce à un microscope qu'il avait fabriqué d'ailleurs pour de toute autre raison. On en parlait la semaine dernière à ce micro de l'invention du microscope justement. Absolument, là c'était le premier microscope à lumière directe qui offrait par l'intermédiaire de cette petite perle de verre qui faisait la lentille la capacité de grandir par 40 à 200 fois à peu près, ce qui mettait von Leeuwenhoek dans le domaine de visibilité des micro-organismes, des microbes, puisque on est bactéries fait de 1 à 5 microns, disons, en règle générale, en longueur. Et voilà. Donc, il s'est frotté les dents, il a mis ça dans une suspension dans de l'eau, il a mis ça sous son microscope et il a vu. Et c'est peut-être là que on peut considérer quand même qu'il en est véritablement le découvreur, parce que non seulement il a vu des microbes, mais il a vu la diversité des microbes, la diversité de formes, bien entendu. Cocoïdes, bacilles, spirillés, véritablement, il l'a décrit, il l'a dessiné. C'est sur, d'ailleurs, la couverture de votre leçon de clôture au Collège de France. Dessin magnifique et dessin émouvant, parce que derrière certains de ces micro-organismes, on voit des espèces de traits, de spirales pointillées, et ça veut dire qu'il les a vus bouger. Et les voyant bouger, il a compris qu'ils étaient vivants, parce qu'à l'époque, le mouvement était considéré comme l'élément essentiel de la caractérisation de la vie. Donc, pour tous ces éléments, on peut considérer que von Leeuwenhoek a été le découvreur des microbes. On peut aussi rajouter le fait qu'il n'a pas été que le découvreur des microbes, il a aussi été le découvreur des spermatozoïdes, par exemple, qui sont à peu près dans le même genre de taille et éventuellement de motilité pour certains de ces microbes. Donc voilà, c'est une découverte absolument phénoménale. C'est 1674, enfin c'est absolument invraisemblable. Mais ce qui est aussi très invraisemblable, c'est l'espèce de fenêtre qui se ferme tout de suite après et ce temps, cette période sans grand intérêt pour les microbes jusqu'au milieu du 19e siècle, dont quand même 1800, ça fait 200 ans à peu près de parenthèse. Oui, alors il y avait des choses, mais c'était plus des activités de salon, ou alors c'était les entomologistes qui regardaient des insectes sous le microscope. Mais le microbe, ça n'a pas percuté, pour être vulgaire. Et on va expliquer bien évidemment comment les microbes en sont venus à être associés à la propagation des maladies. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse encore ensemble un peu d'histoire et que vous nous racontiez, Philippe Sansonetti, comment on expliquait jusqu'au 19e siècle la propagation des maladies. Je crois qu'il y a eu, avant la théorie des germes de Pasteur, dont on va bien évidemment parler dans cette émission, deux grandes théories, la théorie des humeurs et la théorie des miasmes. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, il y avait la théorie des humeurs piquantes, c'est-à-dire qu'on est malade parce que des humeurs se troublent et il faut les éliminer, les purifier, et d'où la saignée, d'où les clistères, les lavements et ainsi de suite. Et ça, c'était quand même la médecine qui prévalait, en particulier du temps de Molière et qui lui a valu finalement. Qui venait de très très loin, qui venait de l'Antiquité. Qui venait de l'Antiquité. Et puis peu à peu, c'est substitué quelque chose au fond que moi j'essaye de considérer comme réellement scientifique. Je trouve que cette théorie des miasmes, elle n'est pas totalement absurde, parce que ce qu'on voit dans les reconstitutions historiques de Paris ou de Londres, des villes du 17e, 18e siècle, c'est au fond la vision physique des bâtiments, les bruits éventuels, mais on oublie les odeurs. Je pense qu'un jour, le cinéma pourra nous apporter ça aussi. Et les odeurs de ces villes, en particulier en été, étaient terrifiantes. Il n'y avait pas d'égout, il n'y avait pas de latrine. Tout était soit jeté dans la rue, soit entassé dans les caves des immeubles. Donc ces odeurs épouvantables qui dominait au fond la vie quotidienne de ces villes, en particulier l'été. Je pense que n'importe lequel d'entre nous aurait eu cette idée immédiate de la théorie des mias, c'est-à-dire c'est cet environnement putride, malsain, qui nous rend malade. C'était pas si idiot que ça par ailleurs, parce que quand on regarde les choses aujourd'hui, on est en train de revoir à l'aune de ce qu'on appelle la médecine personnalisée, la génétique, le mode de vie et l'environnement. Et on voit de plus en plus à quel point c'est l'association de ces trois éléments qui assure le développement des maladies. Donc l'environnement était au fond découvert à cette époque, et certains épidémiologistes extrêmement brillants, y compris von Pettenkofer, qui était le contemporain de Robert Koch, encore à la fin du 19e siècle, tenait, jusqu'à ce que mort s'en suive, le raisonnement de la théorie de l'environnement, on n'appelait plus ça les miasmes, dans les maladies infectieuses. Ou dans les maladies en général, mais quand on regarde ce qu'était la maladie dans ces périodes, c'était des maladies infectieuses qui dominaient très largement la pathologie. Les microbes sont montés à la surface progressivement. On peut essayer de disséquer ça maintenant ou un petit peu plus tard. On va en parler un petit peu, mais peut-être que avant cela, j'aimerais en parler avec Pascal Cossard qui nous écoute et qui participe à cette émission. J'aimerais qu'on parle de vous évoquiez Philippe Sansonetti, ces environnements urbains malsains. Pascal Cossard, on évoquait aussi le fait que à ces périodes-là, donc jusqu'au 19e siècle, les maladies les plus ravageuses sont des maladies infectieuses. On peut parler de l'exemple du cas typique de la peste, peut-être. Comment était gérer ces épidémies? Voilà, justement, c'est intéressant de parler de la façon dont ont été gérées les épidémies, c'est-à-dire qu'en fait, on essayait de mettre les gens qui étaient malades de la peste dans des endroits un peu plus confinés. On a même construit un mur qui séparait les gens qui étaient malades de la peste au moment de la peste de Marseille, par exemple. Il y avait le mur du Vaucluse qui séparait les pestiférés, on peut dire, des autres gens. Donc, on s'aperçoit que des méthodes qui étaient déjà utilisées il y a des siècles ont été reprises maintenant et sont devenues très systématiques. Voilà. On peut parler de la peste, on peut parler également du choléra qui frappait encore au 19e siècle, Philippe Sansonetti, et il y a, je crois, un certain John Snow qui a son importance dans cette histoire des microbes, mais aussi de ce pont réalisé avec la théorie des miasmes. Je crois que sans vouloir trop simplifier le choléra a été l'élément déclencheur, l'élément fondateur, en particulier la deuxième pandémie de choléra qui a fondu sur l'ensemble du continent asiatique puis européen en 1830, 31, 32, 100 000 morts en France, 20 000 morts à Paris, les barrières sanitaires, les quarantaines submergées, malgré des vrais efforts du gouvernement de l'époque, de Casimir Perrier en particulier, qui était allé même en Russie pour voir comment les Russes essayaient de contenir l'épidémie de choléra. Donc le choléra a secoué l'Europe de façon absolument invraisemblable. Et au fond, il y a eu deux approches. Il y a eu les approches un peu simplistes venant des temps anciens que Pascal vient de mentionner, c'est-à-dire l'isolement, la désinfection au sens où on faisait des grands feux dans les rues, des choses peu rationnel finalement. L'isolement l'était, bien entendu, mais choléra, c'est l'eau qui, ça on le savait pas encore très bien, qui infecte. C'est peu font les individus de l'un à l'autre, c'est via la contamination de l'eau. C'est une maladie hydrique comme la fièvre typhoïde. Donc il y avait cette façon, d'ailleurs à Paris, les gens dansaient dans la rue pour essayer d'exorciser la crise. Et puis à Londres, là c'était un tout petit peu plus tard, vers 1850, il y a eu ce fameux John Snow qui a appliqué une méthode scientifique, qui est un des pionniers de l'épidémiologie, qui dans un des quartiers de Londres qui était soumis véritablement au choléra, a marqué sur le plan de ce quartier l'ensemble des maisons dans lesquelles des cas de choléra s'étaient déclenchés, et au fond a centré tout ça sur une fontaine qui était à Broad Street, liée en, enfin une reconstitution, il y a encore à Londres, je vous invite à aller voir, c'est très émouvant. Et il a, la légende dit qu'il a fait enlever, bien entendu, la poignée de cette fontaine et que l'épidémie de choléra s'est arrêtée. Bon, on enlève toujours un petit peu l'histoire, mais c'est la première approche scientifique véritablement d'une maladie infectieuse transmissible. La démonstration que c'était l'eau qui transmettait. L'eau était bonne dans cette fontaine. Elle était beaucoup moins dégoûtante que l'eau de la Tamise municipale et donc les gens s'y précipitaient. Pas d'odeur. Et puis surtout, Jon Snow met un échantillon d'eau sous un microscope comme l'avait fait Van Leeuwenhoek et il voit une bactérie, un bacille, incurvé, très rapide, très mobile. Et il avait vu le bacille colérique. Et tout ça va progressivement se construire, être repris et va arriver à véritablement la démonstration de la théorie microbienne des maladies. Oui. France Culture. Eureka. Antoine Beauchamp. On poursuit cette émission où on vous raconte l'histoire de la découverte des microbes et de l'émergence de la microbiologie. Et on en arrive au 19e siècle à une figure majeure, celle de Louis Pasteur. Je vous propose à ce propos d'écouter une archive. C'est issu d'un documentaire de l'ORTF de 1962. Quel va être l'axe des recherches de Pasteur ? Il arrive doyen de la nouvelle faculté des sciences de Lille. Il étudie là les fermentations du jus de betterave. La fermentation des sucres. Voyant là le bourgeonnement, la prolifération qui se produit, pour en comprendre la raison, il étudie de nouvelles fermentations, les fermentations lactiques, alcooliques, tartriques. Il en arrive à la fermentation anaérobique. Ce sont des ferments qui ne vivent pas au contact de l'air. Et voyant au sein de la liqueur cette prolifération, il en conclut naturellement que l'air est impur, qu'il y a des microbes dans l'air. Et il luttera pour prouver qu'il y a des microbes. Quelles expériences va-t-il faire ? Les fameuses expériences sur les générations spontanées. Pascal Cossard, une réaction à cette archive et sur cette expérience première de Pasteur sur la fermentation ? Bah d'abord, c'est une archive que je ne connaissais pas, donc je la trouve absolument extraordinaire. Donc, Pasteur réalise qu'il y a des levures qui sont en train de bourgeonner, donc ils sont en train de vivre en même temps qu'il y a un phénomène chimique qui se passe dans le liquide qu'il est en train d'examiner. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Pasteur était un chimiste et qu'il avait travaillé sur ce qu'on appelle la dissymétrie moléculaire, c'est-à-dire qu'il s'était rendu compte qu'il y avait des sels qui étaient cristallisables, qui se cristallisaient sous des formes différentes. Et dans la tête de Pasteur, il va commencer à faire des rapports entre justement ce qu'il a découvert, que les molécules chimiques peuvent exister sous deux formes, et ce qui pourrait éventuellement se passer quand il y a une fermentation. Et de fil en aiguille, il va réaliser que lorsqu'il y a une certaine forme de fermentation, les fermentations ne peuvent se produire que en choisissant certains substrats, si vous voulez, pour produire la fermentation qui est souhaitée. Et ce que je trouve absolument fascinant, c'est vraiment la continuité de Pasteur dans l'évolution de sa pensée. Il va montrer que certaines levures sont capables de fermenter certains sucres, ne fermentent pas d'autres sucres et choisissent certaines formes de certains sucres. Philippe Sansonetti, Pasteur, il s'attaque également, ou il fait partie d'une longue tradition qui s'attaque à une autre théorie, c'est la théorie de la génération spontanée. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu en quoi consistait cette théorie de la génération spontanée et en quoi Pasteur vient clore le débat d'une certaine façon ? Moi, je crois que ça a déjà été dit dans vos archives. Effectivement, c'était difficile, j'imagine, de croire à l'époque que ces petits organismes étaient véritablement... naissait ex nihilo, ex nihilo ça, c'est ce qu'on croyait, parce qu'il était difficile d'imaginer qu'il pouvait y avoir une sexualité, qu'il pouvait y avoir une transmission, comme entre les mammifères. Enfin, c'était un autre monde, ce monde des microbes. Et bon, voilà, c'était là, c'était spontané, ça vivait, ça ne vivait pas, ça se réactivait. C'était pas clair au fond. Le substratum scientifique, c'était plus de espèce d'observation ancienne, mais ça, c'était ancré et ça a été effectivement assez difficile. Et là encore, comme l'a dit Pascal, le génie, ça a été d'appliquer une vraie méthode scientifique, et ça venait essentiellement du fait que Pasteur était chimiste, donc avait une véritable rigueur dans ses approches, que n'avait peut-être pas toujours d'ailleurs un certain nombre de médecins autour de lui ou dans l'environnement européen à l'époque. Donc il a vraiment amené, je pense, la méthode scientifique dans ce domaine, et après tout est allé très vite. Bon, la démonstration de la génération spontanée, de l'absence de génération spontanée, on la connaît, les flacons qu'on expose à différentes nos auditeurs attitudes et nos auditrices ne la connaissent ainsi de suite, pas. Ne la connaissent pas. Alors je leur conseillerais, parce que sinon c'est trop long à expliquer, d'aller visiter le musée Pasteur. Il y a une vitrine entière qui est dédiée à ces instruments que, encore une fois, Pasteur a créé et fait fabriquer dans son laboratoire, pour aller montrer en fait que la densité était différente à différentes altitudes en fonction de la densité de l'air. Donc la densité des microbes associés était plus faible au fur et à mesure qu'on montait. Il y a tout un tas de choses comme ça, des choses scellées après ébullition, et on voit que ça ne se renouvelle pas. Donc il fallait du vivant pour générer ces micro-organismes, donc ça pouvait pas être la génération spontanée. Mais allez, il faut aller voir ce musée. On vous recommande donc d'aller voir le musée Pasteur. Pascal Cossard, comment Pasteur passe de cette observation sur la fermentation, on l'entendait dans l'archive, au lien qu'il établit ensuite entre un germe spécifique et une maladie spécifique? Si je peux me permettre, je voudrais rebondir bien sur sûr. Ce que je dis et vous dire qu'il y a des ballons à col de cygne qui sont la démonstration qu'il y a des microbes dans l'air qui sont plus ou moins abondants à différents endroits. Il y en a au musée de l'Institut Pasteur à Paris, et il y en a aussi dans la maison qu'habitait Louis Pasteur tous les étés. Non, et qui est cette maison qui est à Arbois et qui vaut la peine d'être visitée, puisqu'il y a là aussi un laboratoire où on voit les flacons originaux dans lesquels il a pu faire cette démonstration. Et l'autre chose que je voudrais rajouter, c'est que je trouve que c'est quand même assez incroyable pour nous maintenant qui connaissons les microbes, de voir que pendant des siècles et des siècles, les gens croyaient à cette génération spontanée. Ils voyaient de la viande pourrir et ils voyaient des petits vers arriver, et ils pensaient que ces vers naissaient de rien. Enfin, je sais pas, je pense que c'est vraiment incroyable l'évolution qu'il y a eu depuis 200 ans. Donc voilà ce que je voulais dire en commentaire à ce qui avait été dit avant. Donc quelle était la question? Et sur la question, donc la question que vous posais, c'était comment est-ce que Pasteur passe de cette observation première sur la fermentation à l'établissement d'un lien entre un germe spécifique et une maladie spécifique? Bah écoutez, là, il est obligé de commencer à essayer d'isoler, et ça, c'est vraiment ce qu'a fait Pasteur, mais ce qu'a fait aussi Robert Koch, c'est d'essayer d'isoler le composant qui est impliqué soit dans une fermentation, soit dans une contamination, puisqu'il a étudié aussi les contaminations, par exemple, du vin, soit dans, par exemple, les maladies qui ont attaqué les vers à soie. La technique de Pasteur, ça a été vraiment d'isoler le composant qui est pathogène. Voilà. Philippe Sansonetti, sur cette pratique de Pasteur et cet établissement, ces prémices de la théorie des germes, quelles sont les réactions des savants, médecins, scientifiques de son temps aux travaux de Pasteur? En dehors des résistances à la génération spontanée qui ont donné lieu à des échanges absolument épiques, y compris à l'Académie des sciences et à l'Académie de médecine. À l'époque, on se parlait violemment, on se rend pas compte. On pense que nos temps sont violents, mais les mots de l'époque étaient très forts. Et une des vertus de Pasteur a été cette espèce d'obstination rigoureuse. Ensuite, c'est allé très vite. C'est allé très vite parce que les évidences étaient tellement flagrantes. Et puis très vite aussi, on va en reparler plus tard, mais la vaccination a fait la preuve en miroir du fait que ces microbes étaient responsables des maladies, puisque si on protégeait contre ces microbes, la maladie ne survenait pas. Enfin, bon, Robert Koch et son école, Le Flair, ont mis en place ce qu'on a appelé les postulats de Koch. Et ça résume un petit peu la méthode expérimentale que Pasteur, Robert Koch, ont développé, c'est-à-dire on prend un animal malade, c'était souvent chez l'animal au départ, on isole le micro-organisme, on s'aperçoit que quand on cultive, c'est un seul micro-organisme, on le transmet à un autre animal, si possible même, l'autre animal tombe malade, et on réisole ce même micro-organisme et on a gagné, c'est la cause de la maladie, on l'a trouvé. Et ça va faire des développements absolument flamboyants en quelques années en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. L'Europe a été le berceau de la microbiologie, hein, soyons très clairs là-dessus. Et on va très vite trouver le germe de la typhoïde, le germe du choléra, le germe, enfin tout staphylocoque. Et puis on oublie très souvent la pathologie vétérinaire. Hein. Beaucoup du travail de Pasteur initialement s'est fait sur les animaux, le choléra des poules en particulier, la pasteurelle qui est le responsable du choléra des poules, l'anthrax, le charbon, les maladies des ovins en particulier. Donc il faut bien intégrer là-dedans la participation des vétérinaires, hein, qui ont été très très importants. On a toujours tendance à en faire un aspect purement humain, médical. Les vétérinaires autour de Pasteur ont eu des rôles extrêmement importants à cette époque. Donc ça décolle à partir de 1875-1880 et on pourrait imaginer ce que ça pouvait être dans les journaux scientifiques de l'époque. C'est une période absolument phénoménale. Pascal Cossard, sur ce boom immédiat de la microbiologie à partir de la communication de Pasteur sur la théorie des germes en 1878 à l'Académie des sciences, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus et peut-être évidemment nous rappeler les grandes maladies auxquelles on trouve enfin une explication à ce moment-là? Oui. Tout à l'heure, Philippe parlait du choléra en détail. Je pense que le choléra, il faut quand même bien rendre à César ce qui est à César. C'était quand même Pacini qui, en 1854, avait découvert le choléra. Et on peut dire que c'est Robert Koch qui l'a redécouvert. Donc, il y a eu quand même pas mal de gens qui s'intéressaient aux microbes à ce moment-là. Et tout n'a pas forcément été découvert par Pasteur. On parle de Bacillus anthracis. C'est la même chose. C'est pas lui qui l'a responsable de l'anthrax, c'est pas Pasteur qui l'avait découvert, mais il a contribué très fortement à justement identifier exactement les signes cliniques de la maladie, le problème de la sporulation, etc. Ces organismes-là, je crois que c'est important de parler, comme l'a dit Philippe, que Pasteur s'est intéressé aux maladies des animaux, aux maladies aussi, par exemple, des vers à soie. Ça, c'était quand même une importance capitale dans le parcours de Pasteur, d'essayer d'avoir identifié qu'il y avait chez les larves des vers à soie, enfin chez les vers à soie eux-mêmes, deux maladies qui faisaient que ces vers à soie ne faisaient plus la chrysalide qui était responsable de la production de soie. Et donc, ça avait des conséquences économiques extrêmement importantes. Il a été capable d'identifier une méthode pour essayer de trier les vers qui étaient contaminés et de pouvoir vraiment se débarrasser de ces infections-là. De fil en aiguille, on est arrivé à d'autres maladies. Bien sûr, Philippe a parlé de Pasteurella, et puis on va très vite arriver à d'autres maladies, à la fameuse vaccination contre l'anthrax, la vaccination que Pasteur a pu réaliser. Et puis très vite, on va arriver à la rage. Pasteur a travaillé sur la rage, qui était une maladie des animaux, qui était capable de passer aux hommes. Et ça, je pense que le passage de certaines maladies des animaux vers l'homme, c'est en fait ce qui a fait que Pasteur est passé de maladie des animaux à l'homme lui aussi, puisque pendant tout un temps, il ne travaillait pas sur les maladies humaines. Philippe Sansonetti, on trouve aussi à la fin du 19e siècle une explication à ce grand fléau qu'a été la peste, et c'est l'un des élèves de Pasteur qui va découvrir le bacille de la peste. C'est une véritable, là aussi, aventure scientifique qui démarre avec la microbiologie. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu cette histoire de C'est une histoire magnifique, parce que c'est l'histoire d'Alexandre Yersin. C'est aussi, sans vouloir faire trop dans la géographie, le génie de Pasteur d'avoir envoyé des disciples dans les pays pauvres, dans les pays du tiers-monde, on dirait aujourd'hui, ou dans les pays à bas revenus, et de créer les premiers instituts Pasteur, en particulier celui de Saïgon avec Calmette et celui de Nha Trang avec Yersin. Yersin était un excellent microbiologiste. Tous les gens qui passaient par le cours de microbie expérimentale de l'Institut Pasteur étaient des grands microbiologistes à la sortie, s'ils n'étaient pas déjà à l'entrée. Et Yersin va donc appliquer cette méthode microbiologique. Il est envoyé, au fond, par les autorités françaises à Hong Kong en 1894, parce qu'il y a une épidémie de peste qui sévit dans ce territoire, en fait. Les autorités anglaises lui dénient la possibilité d'avoir un laboratoire présentable pour faire ses travaux. Et on voit cette fameuse petite hutte dans laquelle il a fait ses cultures à partir des prélèvements de ganglions, des prélèvements sanguins de patients atteints de la peste. Et tous les moyens avaient été donnés à un Kita Sato, un savant japonais, un brillant microbiologiste, élève de Robert Koch, parce que à l'époque, le Royaume-Uni était plus proche de ses puissances que de la nôtre. Il y a de la politique derrière tout ça, ce qui est assez extraordinaire. Cette rivalité Robert Koch, Pasteur, est mythifiée. C'était plus attisé, je dirais, par le nationalisme puissant et délétère de l'époque que par les deux savants eux-mêmes qui, au fond, se respectaient considérablement. Et l'un et l'autre ont été complémentaires, d'ailleurs, dans leurs approches. Et donc, la fin de l'histoire, le fin mot de l'histoire, c'est que ce pauvre Yersin, avec sa hutte à température 28, 29, 30, puisqu'il n'y avait pas d'autoclave, a réussi à cultiver à partir de ses prélèvements le bacille de la peste, qui va prendre son nom d'ailleurs, Yersinia pestis, parce que ce bacille pousse plus volontiers à faible température. Et Kita Sato a vu ses cultures, parce que lui avait des étuves high-tech de l'époque, a vu ses cultures complètement contaminées par d'autres microbes, en particulier du pneumocoque, je crois, et donc n'a pas véritablement sorti le bacille de la peste. Nos amis japonais l'appellent quand même le bacille de Kita Sato, mais c'est quand même le comité international de taxonomie microbienne l'a appelé Yersinia pestis, donc en hommage à Yersin. C'est une histoire magnifique de cette époque. Et la suite est d'ailleurs tout aussi politique, parce que Yersin s'est vu dénier la capacité de faire de la sérothérapie en Inde, parce que les Anglais n'en ont pas voulu. Je suis pas du tout anglophobe, je vous le dis tout de suite, au contraire, très admiratif de la science anglaise, mais c'est pour dire que la politique, malheureusement, dans ces périodes, peut être plutôt contre-productive. Restez avec nous, parce que justement, dans un instant, on va voir les conséquences politiques, mais surtout du côté sanitaire qu'ont eu ces nombreuses découvertes sur les micro-organismes, et notamment donc dans le domaine de la santé. Petit, petit, petit, tout est mini dans notre vie. Mini-moc et mini-jupe, mini-moche et lilliput. Il est mini-docteur Schweitzer, mini-mini, ça manque d'air. Mini-jupe et mini-moque, miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus, minimum et minibus. Petit, petit, petit, tout est mini dans notre vie. Mini moque et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer, mini mini, ça manque d'air. Mini mini mini, mini mini mini. Moi je préfère les maxi, maxi moque et maxi jupe. Maxi Moche et Maxi Pute. Il est Maxi Docteur Schweitzer. Maxi Maxi ça respire l'air. Maxi Terre et Terre Maxus. Maximum et Maxibus. Maxi Terre et Terre Maxus. Maximum et Maxibus. Maxi Terre. Mini, mini, mini de Jacques Dutronc à 16h34 dans Eureka, puisque nous retraçons aujourd'hui l'histoire de la découverte du monde mini, le monde des microbes, en compagnie de Philippe Sansonetti, microbiologiste, professeur émérite au Collège de France et à l'Institut Pasteur, membre de l'Académie des sciences, et de Pascal Cossard, microbiologiste, professeur à l'Institut Pasteur, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et la co-autrice du livre Le monde invisible du vivant aux éditions Odile Jacob. Alors, Pascal Cossard, maintenant on peut peut-être parler des conséquences qu'ont eu ces découvertes nombreuses dans le domaine de la microbiologie dès la fin du 19e siècle sur les pratiques sanitaires et notamment les pratiques médicales. Quelles sont les conséquences immédiates de ces découvertes, notamment de Pasteur, concernant ces micro-organismes-là dans le domaine médical ? Moi, je pense que la première conséquence, c'est que la société s'est rendue compte que les microbes étaient responsables de maladies et donc fallait essayer de les éviter. Donc, il y a une première chose qu'il faut mentionner, c'est que ça a été le démarrage de l'hygiène, d'une hygiène beaucoup plus forte que précédemment. D'ailleurs, par exemple, se laver les mains, on en parle beaucoup en ce moment. Pasteur était quelqu'un qui se lavait les mains de très très nombreuses fois par jour. Donc ça, c'est une des premières conséquences. Une deuxième conséquence, c'est qu'on s'est aperçu qu'il fallait sans doute se protéger des microbes en essayant d'éviter qu'ils soient présents dans l'habitat, dans les vêtements, dans la vie courante. L'hygiène a fait un grand bond à ce moment-là. Et d'ailleurs, il y avait un Anglais qui s'appelait Joseph Lister, qui était aussi, lui, qui était très porté sur justement l'hygiène, l'antisepsie, l'asepsie, le problème des microbes qui pouvaient contaminer beaucoup de choses. Et la conjonction de Pasteur, de Lister, a fait que ça a eu des retombées, par exemple, en chirurgie. On s'est aperçu qu'il fallait travailler de façon extrêmement soignée pour éviter des conséquences à des événements chirurgicaux, des conséquences infectieuses. Je pense que Philippe pourra en parler mieux que moi, puisque je ne suis pas médecin, mais a priori, c'est les choses que j'aimerais mentionner comme première conséquence de Pasteur. Philippe Sansonetti, sur cette question des conséquences immédiates de la théorie des germes sur les pratiques médicales. Les conséquences sont énormes parce qu'elles vont être fondatrices de la médecine moderne en quelque sorte, dans la mesure où on voit très rapidement apparaître plusieurs domaines. Tout d'abord, on s'aperçoit que les bactéries, certaines d'entre elles pathogènes comme le bacille de la diphtérie, produisent une toxine et que cette toxine est l'élément qui cause la pathologie et qui cause éventuellement le décès de l'animal ou de l'individu, de l'enfant en particulier infecté. Et donc on va purifier cette toxine. Donc on est déjà là dans la chimie biologique. Et puis on va l'injecter à des animaux et faire des sérums. Et puis on va montrer que cette sérum protège contre la diphtérie et empêche les gens de mourir. Et donc il y a une médecine qui se crée, qui est la sérothérapie, qui va se développer à l'Institut Pasteur, en particulier avec un grand élève de Pasteur qui est Émile Roux, et puis en Allemagne avec von Behring, qui est considéré en règle générale, peut-être à tort dans une certaine mesure, en tout cas, vous savez, les choses sont très mélangées à cette époque, mais c'est lui qui aura le prix Nobel. Je pense que c'est la médecine moléculaire naît à ce moment. Il y a un deuxième élément important, c'est que on va effectivement commencer à essayer de rationaliser l'antibiothérapie, comme on l'appellera ultérieurement. Et là, il y a deux grands noms à citer. Un Français qui est Duclos, d'ailleurs, le bâtiment dans lequel je travaillais, l'Institut Pasteur, et où est travaillé Pascal aussi. Ce bâtiment construit en 1900, s'appelle bâtiment de chimie biologique. Et de la chimie biologique à la chimie thérapeutique, il n'y avait qu'un pas. Donc Duclos l'a franchi, un petit peu plus tard, mais celui qu'on considère comme étant généralement le créateur, c'est Emil Ehrlich en Allemagne, qui a comme repris absolument tous les dérivés de l'arsenic et qui a fini par sélectionner le novarsénobenzole, qui est le premier véritable traitement antibiotique d'une maladie, de la syphilis en l'occurrence, qui était le sida de l'époque, et au fond, c'est le premier médicament probablement qui tuait plus de microbes que de patients. Donc, on a là les premiers éléments de ce qui va s'appeler la chimie thérapeutique et qui va amener dans les 20 ans qui suivent à la découverte de la pénicilline et surtout, avant même la découverte de la pénicilline, les premiers éléments de mise au point par la chimie biologique, encore une fois, de certains colorants qui vont se dériver sous forme de sulfamide. Donc on est dans une période où naît, en l'espace de 2 ou 3 décennies, la sérothérapie, qui est encore utilisée aujourd'hui, on en parle avec le Covid-19, l'antibiothérapie qui va progressivement se développer, et la vaccination, bien entendu, qui va prendre un essor phénoménal après la vaccination contre la rage, sans oublier quand même notre ami Édouard Jenner, un siècle auparavant, qui avait été promoteur de la vaccination contre la variole. Donc c'est un changement phénoménal. Est-ce qu'on a une idée des chiffres, enfin des conséquences que ça a sur les chiffres de la mortalité, cette découverte des germes, et puis les réactions médicales qui s'en suivent? Est-ce qu'on a, on peut statistiquement établir que, à partir des découvertes qui sont réalisées à cette époque-là, la mortalité chute? C'est difficile, la mortalité chute, hein, puisque sur la mortalité infantile, c'était 350 pour 1000. C'est-à-dire un enfant sur 3 mourait dans la première année de vie. En 1900, c'est déjà 150 pour 1000. C'est-à-dire que l'hygiène a déjà fait son œuvre quand même, la théorie des germes, la sepsie aussi, les pratiques aseptiques, comme l'a dit très bien Pascal, le lavage des mains. Beaucoup de morts se faisaient en couche pour les femmes et très rapidement pour les enfants. Semmelweis, c'est passé par là, il faut pas l'oublier aussi. Vous voyez, tout ça est complètement intriqué. Mais à partir du début du XXe siècle, on va quand même voir très franchement, non seulement la mortalité, mais encore une fois la mortalité, il y a des aspects un peu adjacents, mais la morbidité liée à ces maladies diminuait considérablement. Et on voit en particulier l'effet des vaccins. À Paris, dans les années 20-30, il y avait encore 4000 enfants qui chaque année mouraient pas à Paris, en France, 4000 enfants qui mouraient de diphtérie, par exemple. On a oublié complètement la diphtérie. Donc tout ça va aller ensuite très vite. À Paris, 13 jeunes lauréats ont joué les agacans devant les représentants des ministres de l'Éducation nationale et de la Santé publique. Faute de lingots d'or, on remettait leur poids de savon de toilette aux enfants les plus propres de France, vainqueurs parmi 500 000 écoliers du concours national de la propreté. Voilà pour ce concours national de la propreté. Pascal Cossard, est-ce qu'on peut dire qu'en ce début de XXe siècle, l'ennemi public numéro un, c'est le microbe? Ah bah oui, ça c'est clair que l'ennemi public était le microbe, mais le microbe, que ce soit toutes sortes de microbes, hein, que ce soit des bactéries, que ce soit des virus, que ce soit des parasites. Là on a parlé beaucoup de bactéries aujourd'hui, mais n'oublions pas que la rage est due à un virus, donc c'est vraiment tous les organismes que Pasteur a essayé d'aborder, et puisqu'il y a aussi, il y avait aussi d'autres parasites qu'il a abordés. Et donc, oui, je pense qu'en début du siècle, c'était vraiment les maladies infectieuses qui étaient un grand souci et qui a fait qu'on voulait s'en débarrasser complètement. On voulait vraiment de plus en plus essayer de travailler dans des atmosphères qui soient de plus en plus stériles. Jusqu'au moment où je crois qu'on devrait parler des antibiotiques qui ont donc été découverts justement au XXe siècle, après cette arrivée des sulfamides, après cette arrivée de composants chimiques qui étaient utilisés. Là, on a trouvé des composants qui étaient faits par soit des champignons, des pénicillums, soit par des bactéries. Donc, ces antibiotiques ont considérablement changé la donne, puisqu'on a été capable de lutter contre des bactéries avec au départ la pénicilline, puis la streptomycine, puis d'autres antibiotiques qu'on a découverts. Je pense que cette révolution des antibiotiques a été quelque chose qu'on a suivi, qu'on a vécu nous-mêmes, puisque après-guerre, l'utilisation des antibiotiques a été faite de façon extrêmement généralisée. On emmenait nos enfants chez le médecin, sitôt qu'il y avait une angine, un rhume, etc. Très rapidement, on donnait des antibiotiques et on se rend compte maintenant des erreurs qui ont été faites. C'est absolument dramatique, puisque on a maintenant beaucoup, beaucoup de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Et ça, la résistance aux antibiotiques, c'est le drame du 21e siècle. C'est clairement quelque chose qu'il va falloir résoudre contre lequel il va falloir lutter. Philippe Sansonetti. Non, j'avais juste un point, je pense, une maladie qu'on n'a pas citée et qui sans doute a été un des moteurs importants dans la créativité médicale en matière de vaccination et de thérapeutique, c'est la tuberculose. La tuberculose était un drame absolument épouvantable de la fin du 19e siècle avec le développement, malheureusement, du prolétariat urbain. Révolution industrielle, en fait, était arrivée. Un adulte sur deux mourait de tuberculose. Mmh. C'est difficile de l'imaginer. Et les traitements étaient quasiment moyenâgeux à cette époque, y compris les insufflations, les pneumothorax, et ainsi de suite. Et donc, le BCG, 1925, a été une révolution dans le domaine de la vaccination et de la prise en compte des maladies infectieuses, en particulier chez l'enfant. On a éliminé les méningites tuberculeuses très très rapidement. Et puis la découverte, Pascal l'a mentionné, de la streptomycine par Salzmann aux États-Unis a été là aussi un deuxième élément. On pouvait enfin se débarrasser de la tuberculose et ça contribuer à donner une image de la vaccination, malgré quelques aléas de la vaccination par le BCG et des antibiotiques, une image extrêmement positive pour la suite des événements. C'était des moteurs extraordinaires. Mais Philippe Sansonetti, qu'est-ce qu'on peut dire quand même sur ce rêve d'un monde sans microbes qui croît de façon exponentielle au début du XXe siècle? Est-ce que c'est vraiment un rêve réaliste? Non, c'était un rêve totalement réaliste, mais enfin on peut le comprendre parce que les microbes à cette époque-là étaient vus uniquement sous un angle très très négatif, comme l'a dit Pascal. Hein. Micro-organisme fait déjà un petit peu plus sophistiqué et scientifique, mais microbes c'était vraiment les ennemis. Donc oui, il y a eu aussi avec en particulier après la guerre des courants eugénistes, on a vite associé la pureté génétique et la pureté microbienne, et donc on est allé à des excès dans la philosophie autour de ça, à quelque chose qui est devenu finalement la germophobie, qui a été aussi exploitée sur le plan de commercial, hein, tous ces produits, ces substances qui détruisent à 99,9% les microbes dans votre environnement familial. Il y a eu certainement un excès dans la volonté de nuire, je dirais, au monde microbien, dont on réalise certainement aujourd'hui, comme ça a été dit, l'absurdité, car les microbes sont essentiels à la vie des écosystèmes, y compris à notre écosystème personnel en tant qu'être humain. Pasteur le disait lui-même déjà, la vie c'est le germe c'est la vie. Pascal Absolument. Cossard, à partir de quand est-ce qu'on a commencé à, on va dire, contrebraquer? À partir de quand est-ce qu'on s'est dit, mais finalement, une volonté d'éradication des microbes n'est peut-être pas aussi bénéfique que ça, les microbes peuvent nous être utiles? On s'est rendu compte que en essayant de, par exemple, d'élever des enfants dans une atmosphère qui était vraiment microbe-free, si on peut dire, qu'il y avait une augmentation de maladies qui n'étaient plus des maladies infectieuses, mais plutôt des maladies du style asthme, des maladies qui étaient en réaction justement au fait que ces enfants n'avaient pas été en contact avec des petits microbes qui auraient pu stimuler leur système immunitaire. Et donc, si on a vu une baisse des maladies infectieuses, on a vu une augmentation de ces maladies du type inflammatoire, des maladies asthmatiques, etc. Il y a un fameux papier que Philippe pourrait citer aussi, ce qui est un papier de Jean-François Bach qui a vraiment fait le point sur le fait que, justement, on a réalisé ceci. Donc, on est arrivé maintenant à une période où on se rend compte que les microbes, les micro-organismes sont absolument nécessaires pour stimuler notre système immunitaire, à bas bruit bien sûr, mais pour provoquer une certaine forme de tolérance qui est absolument indispensable. Philippe Sansonetti, sur ce grand écart qu'on a pu réaliser, et puis sur ces découvertes récentes autour de ce très à la mode microbiote. Ben, on est effectivement, pour résumer ce que dit Pascal, dans une situation assez compliquée à l'heure actuelle, parce que d'un côté, il faut sauver les antibiotiques. Si on continue à les utiliser de façon aberrante, pas tellement en médecine humaine, voire vétérinaire, parce que c'est maintenant relativement maîtrisé, mais toute l'utilisation qui est faite en agriculture, en élevage, non justifiée par des maladies infectieuses, il faut savoir que chaque année est libéré sous forme non dégradée dans l'environnement quelque chose comme probablement 100 000 tonnes d'antibiotiques sur l'ensemble de la planète. Donc on a transformé les antibiotiques en polluants industriels quelque part, ce qui est quand même quelque chose. Et donc il faut absolument revenir, faire marche arrière, et tout prouve que lorsqu'on met de la parcimonie dans l'utilisation des antibiotiques, la résistance aux antibiotiques diminue. Mais il faut sauver des antibiotiques. Imaginez un monde sans antibiotiques, c'est quand même difficile à croire. Quel recul ce serait, et malheureusement c'est pas impossible si on ne fait pas d'efforts, comme le réchauffement climatique, il y a des révolutions là à entreprendre, et il est vraiment temps. Et puis en même temps il faut effectivement sauver les microbes, et c'est quelque chose qu'on apprécie mal, que vous avez mentionné dès le début de l'émission, qui est l'importance de la biodiversité microbienne dans les écosystèmes. Il faut savoir que les plantes légumineuses, les fèves, les haricots, qui sont des sources alimentaires importantes, en particulier dans les pays pauvres, parce que ce sont des végétaux riches en protéines, sont totalement dépendants d'une symbiose microbienne et dans leurs racines. Et donc, cette rhizosphère globale, si elle s'appauvrit, va nécessiter d'administrer plus de fertilisateurs, de nitrates dans l'environnement. Donc, il faut laisser faire aux bactéries leur boulot. Il est certain qu'il y a eu, sans doute, ces dernières décennies, une agression contre cet environnement microbien qui n'est pas uniquement l'environnement microbien humain, mais qui est l'environnement microbien global. Et c'est pour ça que ce que vous disiez sur ce qu'on disait que sur des missions comme Tara Océan qui visent à établir un bilan microbiologique au fond global des océans. Il faut faire la même chose sur la Terre, hein, sur la planète, sur les rivières. Et de ce bilan va naître probablement la nécessité de prendre des mesures pour... sont encore difficiles à évaluer pour sauver la biodiversité microbienne qui, je pense, est menacée. Pascal Cossard, sur ce saut que vient de réaliser Philippe Sansonetti entre la connaissance qu'on a de la symbiose avec les microbes qui nous entourent, mais également avec les microbes qui constituent la biodiversité, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ? Ben moi, je pense que c'est extrêmement important que les gens réalisent que les sols sont vraiment très riches en micro-organismes. Philippe l'a évoqué en disant qu'il y a des antibiotiques qui sont mis dans la nature, soit parce que ils font partie des excréments des animaux qui auraient reçu des antibiotiques, soit parce que on a des sols qui sont proches d'usines qui fabriquent des antibiotiques. Mais je pense qu'il faut avoir conscience que toute l'agriculture dépend de la biodiversité qui est dans les sols. Il faut s'imaginer que les racines des plantes, c'est en gros la bouche des animaux et des hommes. Les plantes se nourrissent par leurs racines et elles ont un microbiote racinaire qui est extrêmement important pour leur façon de se nourrir et de grandir. Et d'ailleurs, bon, j'ai souvent l'habitude de dire, si vous avez une plante qui ne pousse pas bien dans votre jardin, allez la mettre ailleurs et elle va peut-être pousser beaucoup mieux, simplement parce que le microbiote du sol sera différent à un autre endroit. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il faut avoir de plus en plus que les écosystèmes ont des microbiotes, ont des assemblées de micro-organismes qui sont absolument indispensables à leur équilibre, à leur évolution, à ce qu'on en fait, quoi. Donc, on évoquait Tara Océan. Tara Océan a fait des bilans, mais ce qui est important, c'est de faire des bilans, non pas à un temps T, mais dans le temps, se rendre compte de la façon dont tous ces écosystèmes évoluent. Donc là, on est vraiment... En quatre dimensions, j'ai envie de dire, il faut vraiment qu'on fasse très très attention à la façon dont tous ces micro-organismes sont gérés par nous, la société. Philippe Sansonetti. Oui, très rapidement, pour compléter ce que dit Pascal et revenir à l'homme une seconde, il y a eu un très joli travail publié dans Nature en 2012 qui étudiait le microbiote intestinal et donc, par définition, la diversité microbienne du microbiote intestinal d'enfants et d'adultes, mais restons sur les enfants nord-américains, d'enfants africains au Malawi et d'enfants de populations amérindiennes amazoniennes, en fait. Et la conclusion de cet article, et elle est très nette et indiscutable, c'est que la diversité microbienne du microbiote des enfants nord-américains est la moitié de celle des enfants amérindiens. Donc, en quelques décennies, probablement un siècle d'hygiène, d'antibiotiques, on a perdu de la biodiversité intestinale et on en arrive à effectivement pouvoir associer probablement à ces microbes manquants un certain nombre de pathologies qu'on appelle postmodernes, non communicables, qui ont été citées d'ores et déjà, en particulier l'allergie bien entendu, et qui sont probablement un des symptômes de cette décroissance de la biodiversité. Alors, je ne remets pas en cause l'hygiène, pour un pasteurien, ce serait quand même absolument dramatique, ce serait un sacrilège. Je dis simplement que comme dans tout, il faut probablement trouver un juste milieu et il y a beaucoup d'aberrations, en particulier encore une fois dans l'utilisation des antibiotiques qu'il faut dénoncer. Pascal Cossard, on en arrive au terme de cette émission. Pour conclure, est-ce que vous pourriez nous dresser un petit bilan de ces plus de 200 ans de découvertes autour des micro-organismes? Comment vous percevez cette évolution entre la théorie des germes de Pasteur et aujourd'hui ces missions comme Tara Océan qui essaient d'établir un bilan de ce microbiome marin? Non, je pense que ce qui est très important, c'est de savoir que pour essayer de comprendre l'origine d'une maladie, on est obligé d'isoler le microbe qui est responsable de cette maladie. Ça a été bien fait et ça continue à être fait, puisque par exemple, pour ne citer que la pandémie actuelle, on a isolé le virus et on sait que c'est ce virus-là qui est responsable de la pandémie. Mais maintenant, on est arrivé à une phase qui est beaucoup plus intéressante, je trouve, c'est de comprendre un tout petit peu justement comment un organisme pathogène, comment un agent infectieux fait devant tous ces écosystèmes, devant toutes ces assemblées. Donc on est à une période que je trouve absolument passionnante, ça l'était au moment de Pasteur, mais là on est à une période passionnante parce qu'on comprend tout ce qui se passe, mais on se rend compte qu'on est devant... Un monde qui est extrêmement compliqué parce que il faut maintenir un équilibre pour maintenir la bonne santé. Il y a un mot qui n'a pas été évoqué encore depuis le début de l'émission. Alimentation. Si on veut garder un microbiote qui est diversifié, signe de bonne santé, si on veut un microbiote qui soit en bon équilibre, il faut qu'on ait une alimentation qui soit aussi très diversifiée, qui soit très, qui soit vraiment en harmonie avec... Aussi équilibré que possible. Merci beaucoup en tout cas à vous deux, Pascal Cossard, Philippe Sansonetti, d'être venus nous raconter cette histoire de la découverte des microbes. Et pour conclure cette émission, on se quitte comme tous les jours en musique avec aujourd'hui une reprise du Toxic de Britney Spears interprétée par Yael Naïm. Baby, can't you see Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Tom Mundenstock, Antonin Amberger, à la réalisation Somaya Dabesh, à la technique aujourd'hui Florent Bujon. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Demain, dans Eureka, nous vous raconterons l'histoire de la découverte de nos origines avec l'invention au 19e siècle d'une discipline, la préhistoire. Mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? France Culture. L'esprit d'ouverture.